I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Mo pour montrer où, ban objet, ou bien montrez-moi, côte zot été. Mo pour montrer où, ban objet, ou bien montrez-moi, côte zot été. Show me where the envelope is. Montrez-moi, côte l'enveloppe été. Montrez-moi, côte l'enveloppe été. Show me where the key is. Montrez-moi, côte la clé été. Montrez-moi, côte la clé été. Show me where the razor is. Montrez-moi, côte rasoir été. Montrez-moi, côte rasoir été. Show me where the glass is. Montrez-moi, côte verre été. Montrez-moi, côte verre été. Show me where the pencil is. Montrez-moi, côte crayon été. Montrez-moi, côte crayon été. Show me where the phone is. Montrez-moi, côte téléphone été. Montrez-moi, côte téléphone été. Show me where the watch is. Montrez-moi, côte monte été. Montrez-moi, côte monte été. Show me where the scissors are. Montrez-moi, côte ciseau été. Montrez-moi, côte ciseau été. Show me where the comb is. Montrez-moi, côte peigne été. Montrez-moi, côte peigne été. Show me where the glasses are. Montrez-moi, côte lunettes été. Montrez-moi, côte lunettes été.